venant de tout horizon, des quatre coins du monde, de toute langue, toute tribu, toute race, de toute nation, assemblés pour élever le nom le plus beau, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de toute louange. C'est pour cela nous voici assemblés en son nom. Alléluia. On y va avec moi. C'est... Élève le nom du roi des rois. Comment? Prosternez devant toi les nations. D'une même voix élève son nom. D'une même voix élève son nom. Des tribus de race de toute langue. Des tribus de race de toute langue. Proclame Jésus le roi des rois. Yeah.